n'est juste qu'un freestyle. En attendant LPK. Ce n'est juste qu'un freestyle. En attendant LPK. Ne croyez pas que je suis décédé. Mon projet va rallumer mon âme. Trop de choses à dire dans ce CD. Oui, le micro, c'est mon arme. J'attends juste que mon air sonne. Qui peut tester, stopper personne. Alors j'avance avec plein de merde sous mes pompes. Comme NTM, je vais mettre ma ville sous les bombes. Je suis en forme olympique, en fit avec un carry. Oh my god, bro, c'est qui ce petit blanc qui rime? Je les ai pas choqués et sans faire de détails. Les ont tatoués sur leur torse, la pure caille. Je suis chef de bande des MC rares et discrets. Parce que maintenant, la plupart mettent des disquettes. Moi je suis pas maniable et pas sortable, mais je suis sûr de mes gars. Regarde-les avec leur cartable, c'est juste les rois des secs. Les pendules sont réglées à mon heure de naissance. Ils sont en feu quand j'ai les mains qui puent l'essence. Merde, mon silence en dit long. Je m'exprime à travers le son. Je ne suis pas un donneur de leçons, même si la plupart le sont. Sur la prod à Kevin Gates. Merci à ceux qui soutiennent et qui savent que je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. Je m'éclate dans la musique quand il s'éclate à gratter des likes. LPK, ce n'est juste qu'un freestyle. En attendant LPK, ce n'est juste qu'un freestyle. En attendant LPK. Yeah.